Quand l'homme vient au monde, il est souple et faible. Quand il meurt, il est roide et fort. Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples et tendres. Quand ils meurent, ils sont secs et arides. La roideur et la force sont les compagnes de la mort. La souplesse et la faiblesse sont les compagnes de la vie. C'est pourquoi, lorsqu'une armée est forte, elle ne remporte pas la victoire. Lorsqu'un arbre est devenu fort, on l'abat. Ce qui est fort et grand occupe le rang inférieur. Ce qui est souple et faible occupe le rang supérieur.